prendre le goût de l'écriture. Reprendre le goût de la vie. Se délivrer de ces chaînes qui nous ont tant meurtris. Et se retrouver dans les plaines. De l'éternel. Et retrouver dans les plaines le goût de l'éternel. J'aurais voulu t'apprendre. J'aurais voulu apprendre ce que je ne savais pas. J'aurais voulu t'apprendre. Tu ne savais pas mes talents pour parler mieux que moi. J'aurais voulu apprendre ta langue pour parler mieux. Avec toi, avec toi.